Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. La première image d'un trou noir, un volcan sous-marin qui naît quasiment en direct sous les yeux des scientifiques, une nouvelle espèce humaine qui vient agrandir la famille, des chercheurs appelés à contribution pour restaurer Notre-Dame de Paris après l'incendie. Et vous, que retiendrez-vous des découvertes et des événements qui ont marqué l'actualité scientifique cette année? Avant de nous lancer dans 2020, nous allons nous rafraîchir la mémoire avec nos invités, quatre fins limiers de l'actu des sciences que je vous présente dans un instant. En deuxième heure, nous partirons explorer un passé beaucoup plus lointain, celui de l'Europe, des dinosaures à nos jours. Le paléontologue Tim Flannery nous racontera les évolutions de la faune, de la flore, du paysage et du climat qui se sont jouées sur le vieux continent. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Frédéric Milano et préparée par Thomas Lehété. France Inter. Daniel Fievé. Et pour revenir sur les grandes découvertes scientifiques de l'année 2019, autour de la table, Mathilde Fontaise de Science et Vie, Mathieu Novak de Science et Avenir, Loïc Mangin de Pour la Science et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Tiens, d'abord un mot sur 2019, une année riche en termes de découvertes scientifiques. Sophie Bécherel. Oh, il y a toujours tellement de choses qu'on a même du mal à décider desquelles on va parler. Ah oui, il a fallu trier. Hein, Mathieu Novak. Ça a été un bon cru. Hein. Bon cru pour 2019, Loïc Mangin. Oui, ça dépend un peu des disciplines, mais certaines ont été particulièrement à la fête, quoi. Genre astronomie, par exemple, ça a brillé, quoi. C'est vrai qu'on reviendra particulièrement sur l'astronomie, et puis vous avez même trouvé quelque chose en mathématiques, vous. Oui, Loïc Mangin. J'ai choisi un truc assez facile à raconter. Ouais, on va voir. Parce que ça. Sinon, il y en a plein. On va voir ça. Mathilde Fontaise. Parfait, le cru 2019, et en astro en particulier, effectivement, il y a la photo du trou noir, on attendait ça depuis des années. Ouais. Mais ça, c'est pas vous qui en parlerez de la photo du trou noir, vous allez nous parler. Cette découverte importante dans le domaine de la paléontologie, l'annonce a été faite en avril dernier. Bienvenue à la grotte de Calao. C'est ici que Florent Détroit et ses collègues ont découvert une potentielle nouvelle espèce préhumaine, l'Homo lucenensis. D'une petite taille, l'Homo lucenensis posséderait des particularités physiologiques jamais observées qui pourraient l'inscrire au rang de nouvelle espèce. C'est un peu la chance de celui qui est là au moment où on arrive précisément à l'endroit où il y a un fossile. C'est un événement particulier dans la vie d'un paléanthropologue. La voix de Florent Détroit, paléoanthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, l'un des découvreurs de cette nouvelle espèce humaine. Alors Mathilde Fontaise, cette année, l'album de la famille humaine a été augmenté d'une page. Oui, une page, la découverte d'un nouvel homo, cousin de l'homo sapiens, a été annoncée, l'homo lucenensis. Et c'est aux Philippines que ces fossiles ont été retrouvés, dans la grotte de Calao, on l'a entendu, suite à deux campagnes de fouilles. La première en 2007 et la seconde en 2011 ont offert 13 ossements attribués à au moins 3 individus. Quelques dents, un fémur et des os de pieds et de mains datant de 50 000 à 67 000 ans. Alors les chercheurs se sont vite rendus compte qu'ils sont différents de ce qu'ils connaissaient déjà. Ils présentent un mélange de caractères archaïques et modernes. Les phalanges de pieds retrouvées évoquent un australopithèque et elles suggèrent même une capacité de préhension. Tandis que les molaires apparaissent très modernes, toutes petites, avec des racines très réduites. De quoi conclure à une nouvelle espèce homo qui aurait vécu il y a 50 000 ans et qui n'aurait pas eu de descendance. De quoi surtout confirmer que les paléontologues sont encore bien loin d'avoir exploré toute la diversité des humanités. Parce que d'autres cousins d'Homo sapiens ont été découverts ? Oui, ce n'est que le dernier d'une série. Plusieurs cousins de l'homme ont été découverts ces dernières années. De nouveaux hommes de Denisova ces deux dernières années. Homo naledi il y a 4 ans, l'homme de Flores il y a 15 ans. Et ceci parce que le développement des fouilles a comblé des lacunes géographiques et temporelles, en particulier en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, les archipels du Sud-Est asiatique s'imposent en effet comme un laboratoire de l'évolution humaine. Il n'y avait pas de gros carnivores sur ces îles et l'évolution a donc pu y prendre un tour très différent. Et cela change l'arbre évolutif de l'homme, toutes ces découvertes ? Cela change complètement notre arbre généalogique. Il ne s'agit pas, comme on le pensait, d'une succession simple, sans chevauchement ou presque, qui aurait mené à Homo sapiens. Ses cousins homo montrent que cela a été beaucoup plus compliqué. Le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin du Collège de France le décrit ainsi dans nos pages de Science et Vie. On est passé à quelque chose de buissonnant, dont les branches s'entrelacent et se recoupent, et souvent s'interrompent. Le groupe Homo, apparu il y a 2,8 millions d'années et caractérisé par la bipédie, l'augmentation du volume cérébral et l'utilisation d'outils, apparaît beaucoup plus riche qu'attendu. Et notre solitude à nous, Homo sapiens, apparaît tout à fait singulière dans cet arbre. Oui, c'est ça. Alors, il faut oublier cette frise que l'on avait dans les classes des écoles avec effectivement les différents maillons, l'Australopithèque, l'Homo erectus, l'Homo habilis, enfin dans un ordre différent. Maintenant, on a cette idée de buisson. Il faut se mettre ce buisson dans la tête. Il faut se mettre ce buisson avec ses branches qui se terminent avant nous et qui ne débouchent finalement pas sur une espèce moderne. Mmh. Il faut aussi se mettre en tête que tous les cousins que nous avons eus ne sont pas forcément nos ancêtres. Mmh. Et puis, effectivement, cette idée que nous sommes les seuls rescapés du genre Homo. Il y a eu par le passé une humanité multiple avec différentes espèces humaines qui se sont côtoyées. Oui, c'est tout à fait ça. Et on a même quelques parcelles de cette diversité en nous, puisque les études d'ADN qui sont menées en parallèle de ces fouilles sur les ossements qui sont retrouvés ont montré que dans notre ADN à nous, on avait des traces de Néandertal, on avait des traces de Denisova, on avait des traces de ces espèces aujourd'hui disparues. Mathieu Novak. Oui, on s'est croisés. Reste-nous, pourquoi que nous? Qu'est-ce qui fait le propre de Sapiens? Eh ben, c'est difficile à dire, mais il y a un peu de ces espèces disparues, et on en a trouvé un certain nombre, mais il a parié qu'on en trouvera encore d'autres. Et effectivement, au début, on voulait mettre juste des cases avec une progression assez linéaire, le fils, le cousin, et là on voit que ça va être extrêmement compliqué. Et vraiment, le propre de Sapiens, je pense que la question va être reposée encore et encore. Alors Mathieu Novak, tiens, nous tenons à notre bipédie et nous sommes même prêts à mettre en œuvre des technologies très pointues pour la conserver. Ça, c'est une autre actualité sur laquelle vous avez choisi de revenir. En octobre dernier, des chercheurs ont annoncé avoir fait marcher un patient tétraplégique grâce à un exosquelette qu'il pilotait, ce patient, avec le cerveau. Oui, c'est un jeune homme âgé d'à peine 28 ans. Ça faisait 4 ans qu'il était paralysé des 4 membres à la suite d'un accident. Il avait une lésion dans la moelle épinière et donc il ne pouvait plus bouger aucun de ses membres. Et donc là, ça se passe dans l'équipe de Halim Louis Benhabid à Grenoble, au laboratoire clinique et du CEA. Alors l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, même si on est paralysé des 4 membres, le cerveau, lui, il donne toujours les ordres, seulement ils sont plus transmis. Donc il y a comment faire pour que les ordres soient retransmis aux membres, soit il y a certains chercheurs qui font ça, on essaie de refaire la connexion, soit on essaye de réinterpréter cette connexion pour la transmettre un ordre, vraiment un véritable ordre, à un exosquelette. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Le jeune homme, il s'est entraîné pendant plus de 2 ans, 3 jours par mois, à essayer de se concentrer. Je lève ma main, j'avance mon pied, je tourne mon poignet. Et on lui a mis des sur son crâne, alors précisément sur une partie qui s'appelle la dure mère. Il y a 64 électrodes qui permettent de capter tout ce qui se passe dans le cortex sensorimoteur. Et à partir de ça, on traduit ça en ordre pour l'exosquelette. Alors c'est pas encore un mouvement très fluide, c'est un harnais très très grand avec un fil. Mais en tout cas, il arrivait à avancer, à plier son coude, à lever une épaule, à bouger son poignet. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une preuve de concept, parce que quelque chose, c'est des travaux très très lourds, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, il y a une vingtaine d'années, aurait été complètement inimaginable. Là, on va réimplanter 3 autres patients. En tout cas, il peut y avoir un espoir de remarcher après une paralysie totale. Sophie Bécherel, il y a d'autres recherches dans ce domaine qui sont également prometteuses. Oui, une équipe que j'aime beaucoup parce que je la suis depuis longtemps et qu'elle avance pas à pas, mais sûrement, c'est celle de Grégoire Courtine à l'EPFL en Suisse, qui a aussi cette ambition d'implanter sur le dos des patients des implants donc électriques afin de réaliser une espèce de pont entre les 2 morceaux de la moelle qui ont été lésés. Et là aussi, des résultats sont attendus dans oui, le... déjà les 4 premiers patients, et il a récemment fait monter sur scène un de ses patients qui peut réaliser quelques pas, certes avec un déambulateur, mais qui y parvient. Et il a encore quelques patients implantés. Oui, ça progresse très très vite, notamment avec la miniaturisation des instruments. Mathieu ? Oui, c'est une technique qui est intéressante parce que là, c'est vraiment, on a un effet permanent. Alors que là, l'exemple que je vous donnais, qui est spectaculaire, une fois qu'on enlève l'exosquelette, le patient, il est dans le même état qu'auparavant. Loïc Mangin, des nouvelles de ceux que l'on a appelés les bébés CRISPR. Alors c'est une histoire qui avait commencé fin 2018. Voilà, en novembre CRISPR. 2018, ça avait effectivement défrayé la chronique parce que un scientifique chinois, Yi Jiankui, avait annoncé qu'il avait modifié le génome de 2 bébés, 2 petites filles, Nana et Lulu, de façon à les rendre résistants au VIH. Donc précisément, ils avaient modifié le gène d'un récepteur CCR5 qu'il avait inactivé pour que le VIH ne puisse plus entrer dans cellule. Et ça avait défrayé la chronique, parce que d'abord, on n'avait aucune information sur l'étude en elle-même. Le chercheur avait soumis ça à des revues prestigieuses comme Nature, mais finalement, ça avait été refusé. Puis son université s'était désolidarisée de ses travaux. Hein. Et même le gouvernement, donc ça avait fait grand bruit en tout cas. Et là, un journaliste américain a réussi à mettre la main sur la publication qui avait été soumise, parce qu'entre-temps, elle avait été cachée et dissimulée. Et donc, il s'avère que ce qui a été annoncé par le chercheur chinois n'est pas du tout à la hauteur de ce qui a pu être annoncé. C'est-à-dire que on n'est pas sûr que ça fonctionne. Et on suppose, par ailleurs, que d'autres cellules ont été mutées en d'autres endroits. Donc, on ne sait vraiment pas ce que ça va donner. Donc, c'est plutôt la bulle qui se dégonfle en 2019 sur ces bébés CRISPR, ces bébés génétiquement modifiés, mais c'est peut-être pas plus mal. Alors après, on peut s'interroger sur vraiment ce qui a été cherché, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec Axel Kahn là-dessus. Lui prétend que, de toute façon, pour rendre, il n'y avait pas de souci de transmission du VIH entre le père et les enfants. Ouais. Non, ce qu'il faut voir, c'est que quelques mois auparavant, il y avait une étude qui avait été publiée sur l'inactivation du gène CCR5 qui augmentait les capacités cognitives. Donc, est-ce que ces études-là étaient présentes à l'esprit du chercheur chinois ? Là, on serait dans l'ordre du transhumanisme, par exemple. Allez, nous poursuivons notre rétrospective de l'actu scientifique de l'année 2019, avec à venir, entre autres, les premières images d'un trou noir et la naissance d'un volcan sous-marin au large de Mayotte. Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le réveil sonne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes, et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi. Qu'il est bête. Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie, vous n'avez pas tout saisi. Ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles, et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête. C'était Philippe Catherine, bonhomme. France Inter. Du vent dans les synapses. Quelles découvertes, quels événements scientifiques ont marqué l'année 2019. Nous faisons le bilan cet après-midi avec Sophie Bécherel de France Inter, Mathieu Novak de Science et Avenir, Mathilde Fontaise de Science et Vie et Loïc Mangin de Pour la Science. J'étais là à scruter les écrans et progressivement, doucement, le fond qui se dessine, le niveau de la mer, on était à 3400 mètres, 3200, 3000, et puis voilà, on arrive à 2604 mètres exactement. Là, on est au sommet de ce nouveau volcan, le dernier volcan né sur Terre. On a constaté qu'en fait, il y avait des épanchements de lave énormes, hein, capables de couvrir la ville de Paris entière sur 2 mètres. Le témoignage du géographe Saïd Hachim qui, comme il le dit, a pu survoler le tout jeune volcan sous-marin en cours de formation au large de Mayotte. On entend l'émotion du scientifique quand il a vu se dessiner ce volcan sur les écrans dans le bateau. Cette découverte réalisée en mai dernier est une première et Sophie Becherel, les géologues qualifient l'événement de crise volcanique, c'est dire son importance. Oui, c'est à la fois excitant pour eux, mais effectivement ça n'est pas sans conséquence compte tenu du fait que la zone est peuplée. Alors donc ce nouveau volcan, vous l'avez remarqué, il n'a toujours pas de nom. Hein. Oui. En dépit des propositions des enfants mahorais, il y a une shortlist de 10 noms qui est sortie et on attend que les personnalités désignées départagent et nous disent si on l'appellera par exemple Bagougou, le monstre imaginaire, ou Adzouala, il est né. Vous avez une préférence, je sens. Non, il faut un nom qui puisse être prononcé dans pas mal de langues. Et il y a des expressions qui sont un peu longues dans la liste des 10 propositions. En tout cas, l'histoire retiendra que c'est effectivement le 15 mai de cette année que ce volcan est né, même si dans les faits, il a sûrement dû sortir de terre avant, mais personne n'était là pour en attester. Rappelons que c'est qu'après seulement un épisode inhabituel de sismicité un an auparavant, mai-juin 2018, et ressenti par les Mahorais avec des conséquences physiques, des fissures dans les maisons, qu'on a envoyé les scientifiques regarder ce qui se passait au large. Et là, effectivement, ils ont vu qu'un volcan était sorti de terre sous la mer, à 50 km à l'est de l'île, et que depuis d'ailleurs, Mayotte s'est enfoncée de 20 cm et s'est déplacée vers l'est de 15 cm. Autrement dit, il y a un impact phénoménal. Alors, c'est étonnant ou pas, puisque Mayotte est elle-même un volcan ? En effet, elle fait partie de la chaîne volcanique de l'archipel des Comores. Le volcanisme a débuté là-bas il y a 20 millions d'années et il a d'ailleurs formé les îles, dont Mayotte, mais aussi Anjouan, Moélie, Grand Comore. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à 7000 ans en arrière, le volcanisme a certes eu lieu, puis après il y a eu une espèce de stabilité et donc de mémoire d'homme ou de mémoire historique, on n'avait aucun témoignage de cette activité volcanique. D'où la surprise en mai dernier. Et d'ailleurs, là où c'est exceptionnel, c'est, on le sent dans la communication, on a reçu un soir, à 18h, un communiqué interministériel avec l'intérieur, l'environnement, la recherche, nous annonçant donc que ce volcan était né avec les premières informations. Mais à ce moment-là, il n'y avait personne dans les cabinets pour nous répondre. Les scientifiques avaient abouti à la première campagne à bord du Marion Dufresne et donc donné quelques informations. Le bébé s'est dévoilé à voilà. Ce moment-là. On apprend alors qu'il est à 3500 mètres sous l'eau, que sa base fait 4 à 5 km de large, il est haut de 800 mètres environ, ça fait 2,5 fois la tour Eiffel et donc il couvre la hauteur de la moitié de Paris. Donc c'est quand même bébé. Oui, il est un peu un massif vosgien si vous voulez. Donc depuis, il y a eu en tout 4 campagnes d'observation et à chaque fois des informations nouvelles. C'est pour ça que finalement, si on pouvait y retourner tous les mois, on découvrirait sûrement des coulées de lave nouvelles, puisqu'il y en a déjà 3, enregistrées 100 à 150 mètres d'épaisseur, avec un débit donc de fluide de 200 mètres cubes par seconde. À date, selon l'un des scientifiques qui coordonne ces campagnes, Eric Humler du CNRS, il y aurait 5 km cubes de matière qui se serait déversée du volcan, pas par la bouche, mais donc des coulées latérales. Et c'est exceptionnel parce que ça correspond à un quart de cette matière qui sort de terre chaque année, mais dans le monde. Et l'une des autres références, c'est l'éruption du volcan Laki en 1783, qui avait à peu près fait émerger le triple de matière. Donc depuis, évidemment, à chaque campagne à bord d'un navire, on analyse la colonne d'eau. Les chercheurs ont même collecté des centaines de kilos de roches. Il y a beaucoup de phénolite. C'est une roche très poreuse. En anglais, on appelle ça les popping rocks parce que quand on la remonte sur le pont du bateau, elle éclate. Elle est très poreuse. Elle est remplie de gaz et donc le gaz décompresse. Un peu comme du pop-corn. Comme du pop-corn, voilà. Donc, chaque campagne est accompagnée de levées bathymétriques, la cartographie s'affine, et puis surtout, mois par mois, on essaie de suivre ce volcan. Et la suite, alors ? Alors, c'est là que ça devient important. Jusqu'ici, 3,5 millions d'euros ont été consentis pour un an de suivi. Mais compte tenu de la proximité donc des habitants, évidemment, il y a des conséquences pour les populations. On ne sait pas si le volcan va continuer à grossir. Un autre pourrait émerger non loin. On a vu, ça fait affaisser l'île et ça la déplace. Ça n'est pas donc sans conséquences. Donc, les scientifiques plaident pour qu'on pérennise leur budget et qu'on puisse finalement installer un observatoire avec des sismomètres qui seraient en permanence sur place et dont les informations remonteraient en permanence. Voilà. En attendant, la prochaine campagne n'est pas financée, mais ce volcan, on le suit, on l'écoute. du moins. Il y a un risque pour la population maoraise. Clairement, parce qu'on s'est rendu compte donc que cet essaim de séisme qui avait été enregistré un an avant était un signe précurseur de la sortie du volcan. Mmh. Donc là, il est à 50 km. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres volcans qui pourraient sortir plus près? Et donc, si c'est plus brutal, une grosse vague, un tsunami? Oui, il y a des risques. Oui, a priori, le tsunami, c'est suffisamment en profondeur pour que ça n'arrive pas. Pour l'instant. Mais en revanche, si ça continue à déverser, cet enfoncement de l'île principale, s'il y a une chambre qui s'effondre en profondeur, il peut y avoir un danger, effectivement, d'enfoncement de l'île. Ouais, c'est-à-dire que, déjà, l'île est vraiment très rase à certains endroits, donc ça pourrait augmenter les risques d'inondation, avec, en plus, la montée des eaux liée et au changement climatique. Et les flancs de l'île. Ouais. Si le volcan que constitue l'île de Mayotte est aussi fragile avec cette pierre poreuse, voilà, il y a des interrogations. Il faut que les scientifiques travaillent pour répondre à ces questions. Parce que ça reste totalement imprédictible. Hein. Loïc, est-ce que du coup, puisque ça nous fait finalement un nouveau terrain complètement vierge, est-ce qu'on va suivre petit à petit la colonisation par des organismes vivants? Ah bah oui, je pense que s'il y a du financement, on pourra faire donc énormément de choses. Ouais. Ils sont en recherche de financement actuellement, hein, très, très actives. Ah oui, il faudrait pérenniser ces campagnes qui coûtent cher, parce qu'emmener un bateau sur place, il faut qu'il soit suffisamment équipé pour aller voir à 3000 mètres sous terre, la mer, pardonnez-moi, et puis compléter au fur et à mesure l'analyse de roches, de gaz qui s'échappent. Mathieu Novak, au chapitre des nouvelles encourageantes en médecine, cette année, il y a eu une avancée dans la recherche d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Alors c'était une grosse surprise, parce que Alzheimer, honnêtement, depuis un moment, c'était vraiment la déprime. Tout ce qu'on essayait, qui avait marché chez l'animal, passage à l'homme, ça marchait pas. Et c'était le cas notamment pour un type de molécule qu'on appelle des anticorps monoclonaux qui vont s'attaquer à une de ces protéines qui envahit le cerveau des malades d'Alzheimer, la protéine bêta-amyloïde. Donc on avait vu chez l'animal que si on s'attaquait à ces agrégats de protéines, on arrivait à les faire disparaître et aussi à récupérer des capacités cognitives, mais le passage à l'homme, ça a toujours été un échec. Et donc là, on a l'essai de l'entreprise Biogen avec cette molécule qui s'appelle le aducanumab. Et au début d'année, patatras, en mars, annonce, ça marche pas, jusqu'au point qu'on arrête l'essai clinique. Ce qu'ils disent, le titre perd 34% en bourse. Bon, voilà, on pensait que c'était plié, tout le monde disait que bon, c'est une fausse piste, il faut faire juste autre chose. On disait, il faut changer de paradigme. Et là, tout d'un coup, ça a été confirmé le 5 décembre dernier, il y a quand même, en regardant de plus près, chez certaines personnes qui ont pris le traitement très tôt à des doses importantes, un ralentissement du déclin. Alors, je ne parle pas de guérison, je parle bien de ralentissement du déclin. Alors, ça reste assez faible, hein, 14 à 23%. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est vraiment le côté fondamental. Cette piste qu'on avait enterrée, et ben tout d'un coup, on se dit que finalement, on va peut-être y revenir. Ouais. Sauf qu'il y a quand même des doutes, parce qu'on se demande si cette industrie pharmaceutique à l'origine de ce médicament se sert pas de cet effet d'annonce pour justement se revaloriser en bourse. Oui, ça a été le cas. Effectivement, le titre, au moment de l'annonce, il y a quelques semaines, le titre est reparti en bourse. Et là, on est un peu dans le flou, parce qu'en fait, c'est pas une, mais deux études. C'est avec un autre laboratoire japonais. Ouais. Il y a une des deux études qui n'a rien donné non plus. Donc, on se demande si c'est pas effectivement une manière de lever des fonds. Ce qui est très curieux, c'est qu'ils relancent pas d'essais cliniques pour l'année prochaine, mais qu'ils demandent une autorisation de commercialisation du médicament et que c'est très probable qu'ils vont l'obtenir. Sophie Becherel. Mais peut-être que, parce que face à cet échec finalement que constitue la voie thérapeutique pour la maladie d'Alzheimer, on va se rendre compte que la médecine personnalisée vers laquelle on le tend fera que certaines molécules répondront avec un certain profil de patient. Mais que pour l'instant, on n'a pas fait matcher les deux, peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, ça marche que sur certains patients et on n'a pas encore compris comment. Loïc. Juste pour rester sur l'Alzheimer, qui est vraiment un champ d'investigation énorme, il me revient à l'esprit une étude récente sur l'étiologie, à savoir l'incrimination des nanoparticules fines, donc en dessous de 2,5 micromètres, nanomètres de diamètre. Et donc on a montré un lien plutôt solide entre cette exposition à ces nanoparticules et le risque de déclencher une maladie d'Alzheimer ou au moins des troubles dégénératifs, quoi. Loïc, puisque vous avez la parole, vous aviez décidé de nous parler de mathématiques dans cette rétrospective. Comme je ne suis pas de nature à censurer les journalistes, j'ai dit allez-y. Alors, quelle est cette découverte en mathématiques? Vous allez voir, c'est très simple, c'est sans danger. Alors, il s'agit du nombre 42. Donc, normalement, les amateurs de science-fiction le connaissent. C'est dans le guide du retard intergalactique de Douglas Adams, où c'est la réponse à l'univers, à la vie et au reste. Donc, voilà. Alors, c'est un nombre... C'est le seul nombre inférieur à 100 pour lequel on n'avait pas la somme de 3 cubes. Ça a l'air bête comme ça, mais si par exemple je vous dis 3, c'est la somme de 3 cubes, c'est facile, c'est 1 au cube plus 1 au cube plus 1 au cube. D'accord. Et on cherchait à trouver cette somme pour tous les nombres inférieurs à 100. On peut en écarter certains, on sait que ça ne marchera pas, c'est tous ceux qui, divisés par 9, donnent 4 ou 5. Donc c'est 13, 14, 22, 23, enfin je vous laisserai calculer. Et il en manquait quelques-uns parce que les nombres qui sont en jeu sont absolument énormes. Et donc, on a un mathématicien de l'université de Bristol qui a mis au point un algorithme et qui a réussi d'abord à faire tomber parmi ceux qui restaient le nombre 33. Il a réussi à trouver la somme de cubes correspondant. C'est des nombres qui, pour le coup, ont à peu près 15 chiffres. Donc, c'est pas facile. Il faut vraiment des ressources informatiques énormes. 15 chiffres après la virgule? Non, c'est des entiers relatifs. Donc, soit positif, soit négatif, mais on est de l'ordre du million de milliards, quoi. Au cube, plus un autre nombre qui fait de l'ordre du million de milliards au cube, plus un autre nombre de l'ordre du million de milliards au cube. Et quand on les additionne, ça fait 33. J'ai dit que c'était des nombres relatifs. Donc, ça peut être moins. Et donc, moins un cube, ça peut donner un moins. Et donc, il manquait le nombre 42, et on l'a trouvé. Et donc, les mathématiciens sont très contents. Et ceux qui aiment bien les mathématiques aussi. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Sophie Becherel, vous seriez capable de tout réexpliquer? C'était pourtant lumineux. Si, oui, j'ai bien compris. C'est un nombre relatif. Donc, il faut pas s'imaginer plus des nombres positifs uniquement. Sinon, ça rentre pas en dessous de 100. On est d'accord. Et ce qui est amusant, c'est que pour ce type d'études, effectivement, les mathématiciens ont fait appel à la générosité des gens qui s'intéressent aux mathématiques en demandant à partager. Vous savez, comme on peut partager son temps d'ordinateur, en le laissant allumé quand on ne s'en sert pas pour pouvoir participer à des projets collaboratifs, eh bien, ces projets-là, de résolution de problèmes mathématiques ont été permis par des supercalculateurs, mais aussi par la mise en commun de certaines... Oui, parce que ça correspond à des millions d'heures de calcul. Voilà. Donc pour le coup, là, c'est un réseau de 500 000 ordinateurs personnels qui a été sollicité. Suite de notre rétrospective, je vais sortir mon papier, je vais faire mes calculs pendant la pause musicale et suite de la rétrospective de l'actu scientifique de l'année, avec au menu des discussions à venir, la première image d'un trou noir et des chercheurs sur le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris après l'incendie. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. Yeah. see no, speak no evil now. My amigo, no time to reload now. Broken people, they go where we go now. C'était Michael Kiwanuka, Hero. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Toujours en compagnie de Sophie Bécherel, Mathieu Novak, Mathilde Fontaise et Loïc Mangin, nous revenons sur les avancées scientifiques qui ont marqué l'année. Mon Dieu, tout droit, sorti de l'enfer de Dante. Oui. La force la plus destructrice de tout l'univers. Rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. J'avais un professeur qui prédisait qu'à la fin des temps, le trou noir pourrait dévorer l'univers entier. Pourquoi pas? Quand on voit des gigantesques soleils qui ont été aspirés sans laisser aucune trace. Agrandissement d'image, veux-tu, Vincent? Je grossis l'image. Chaque fois que je cadre un de ces trucs, je m'attends à voir un homme tout rouge avec des cornes et une petite fourche. C'est un monstre, je suis d'accord. Une déchirure dans la structure même de l'espace et du temps. Il faut boucler vos ceintures. On va pas tarder à ressentir le champ de force. Voilà. Ça y est. Extrait du film Le Trou Noir de Gary Nelson, sorti en 1979, Loïc Mangin, en avril dernier. Une équipe internationale de scientifiques a dévoilé la toute première image d'un trou noir et c'est une avancée majeure en astrophysique. Ah, c'est même une prouesse extraordinaire. Donc, on peut commencer par rappeler ce que c'est qu'un trou noir. Donc, c'est un astre d'une densité énorme qui est tellement dense pour le coup, qui d'un point de vue gravitationnel attire tout ce qui passe autour de lui, y compris la lumière. C'est pour ça qu'on parle de trou noir. Et donc ça peut être par exemple d'origine stellaire, une étoile en fin de vie qui va s'effondrer sur elle-même et va devenir un trou noir. On a aussi des trous noirs supermassifs au cœur de toutes les galaxies, en fait, au cœur de la nôtre notamment. On a un gros trou noir supermassif qui s'appelle Sagittarius A. Et certains spéculent aussi sur la possibilité de trous noirs primordiaux qui se seraient formés au tout début de l'univers. Ça, on n'est pas sûr. Mais ça, à quelle taille alors, ces différentes sortes de trous noirs? Alors, en moyenne, un trou noir stellaire, on est de l'ordre de 30 km de diamètre. Ce qui est vraiment ridicule parce que par ailleurs, ils sont très très très très loin. Et alors, comment ont-ils fait? Puisque les trous noirs absorbent tout rayon lumineux, toute lumière, comment a-t-on obtenu une image d'un trou noir? Alors, on a la chance, avec un trou noir, c'est qu'il va se fabriquer lui-même son fond lumineux sur lequel sa silhouette va se détacher. En l'occurrence, il fait ça en accrétant de la lumière, en attirant de la poussière autour de lui. Et cette poussière, en tournant très très très vite autour de lui, va s'échauffer et émettre de la lumière. Et c'est cette lumière qui va constituer le fond sur lequel va se détacher le trou noir. À quoi elle ressemble alors, cette image? Alors, on a effectivement la silhouette du trou noir au milieu, donc un disque noir, et autour, on a cette espèce de halo lumineux un peu orangé. Il y a une zone qui est beaucoup plus brillante que l'autre. En fait, ça correspond à... Ça s'appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire que la matière qui vient vers nous apparaît plus lumineuse, celle qui s'éloigne de nous apparaît moins lumineuse. C'est des choses qui avaient déjà été prédites il y a très longtemps. Oui. Et... C'est ça, hein. En fait, l'observation de ce trou noir vient confirmer les théories d'Einstein. Hein. Finalement, ça rentre pile dans les équations. Oui, oui. Bah, typiquement, c'est ces équations de la relativité générale qu'avait utilisé Jean-Pierre Luminet il y a à peu près 40 ans pour une première simulation de ce à quoi pourrait ressembler un trou noir. Et donc, il avait fait ça avec les moyens informatiques de l'époque, donc c'était assez dérisoire. Il avait obtenu une image avec quelques milliers de points, je crois. Et il se trouve que ça correspond exactement à ce qui a été obtenu le 10 avril 2019. Mathieu Novak. Ouais, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a fait ces modélisations et on savait, comme disait Mathilde tout à l'heure, on l'attendait à cette image, on savait qu'elle allait arriver. Et elle arrivait, mais alors quel suspense, est-ce que ça va ressembler à... Et ça ressemble, mais exactement. Alors il y a toujours des esprits chagrins qui disent « Ah bah c'est dommage parce que ça veut dire qu'on avait tout bon donc on n'a plus rien à comprendre en plus ». Ils auraient préféré qu'on trouve quelque chose de complètement différent. Ouais. Mais là, ça correspondait parfaitement. Mathilde. On parle d'esprit chagrin, mais en fait, les chercheurs, quelque part, ils espéraient quand même avoir une petite déviation. Alors, ils savaient qu'ils pourraient pas l'avoir avec cette première image parce que le niveau de précision de l'image n'est pas encore suffisant pour vraiment contraindre et mettre à l'épreuve. Mais moi, je me rappelle avoir parlé il y a 2 ans avec des chercheurs qui travaillaient sur les simulations de ce qui allait être observé à l'Event Horizon Telescope. Mmh. Et ils disaient, donc là, on trouvera peut-être la relativité d'Einstein, ou peut-être quelque chose d'un tout petit peu différent. Et on sentait vraiment cet espoir. Oui. Donc il y avait cet espoir que finalement... Bien sûr, il s'agit de contraindre la relativité générale. Ce que l'on observerait serait différent de ce qu'on avait prévu. Finalement, ils sont presque déçus que la théorie colle à ce point à la réalité. Ça ferme un peu les questions d'avoir la réponse tout de suite. Un grand classique en ce moment. Alors, en l'avantage, physique, c'est que c'est pas fini. On aimerait bien aller au-delà du modèle standard. L'avantage, ça n'est pas fini, vous dites ? L'avantage, c'est que ça n'est pas fini, puisqu'effectivement, il va y avoir de nouvelles observations, la précision va être augmentée, et on va enfin aussi avoir peut-être une image de notre trou noir à nous, Sagittarius A, qui est au centre de notre Voie lactée et qui bouge trop dans le ciel pour la première série de mesures, mais qui pourrait être accessible par la suite. Et on va peut-être enfin réussir à mettre Einstein en défaut. Ce serait l'espoir des chercheurs, finalement. Oui, voilà, parce que comme Loïc disait tout à l'heure, on sait que la relativité générale n'est pas la fin de l'histoire. On sait qu'on a des problèmes avec la physique, qu'il va falloir continuer de l'augmenter pour pouvoir comprendre l'univers dans son ensemble. Et donc, le trou noir est une porte pour les physiciens vers cette au-delà de la physique. Allez, on reste dans l'astro. Sophie Becherel, 2019, résolument année lunaire. Ah ben oui, on a fêté le demi-siècle de la conquête lunaire. Peut-être trop, hein. Oui, on l'a beaucoup fait. C'est vrai que le premier pas de l'homme sur la Lune. Peut-être jusqu'à la nausée. En tout cas, ce cinquantenaire coïncide avec de nouvelles stratégies, en effet. Bon, c'est pas qu'on ait encore la fusée remplaçante de Saturne V, hein. On ne l'a pas. Enfin, quoi que les Américains viennent d'annoncer avoir enfin un premier étage prêt. Mais donc, l'intérêt renaît. Ça passe par de nouveaux concepts. Donc, les Américains avec leur projet Gateway. Et cette année, la NASA s'est fait un peu botter le train parce que le vice-président Mike Pence trouvait que ça n'allait pas assez vite. Il a dit, on va pas attendre 11 ans. Donc, 2024, je vous enjoins d'être à nouveau sur la Lune. Mais voilà, le projet Gateway, c'est quoi ? C'est un module orbital ? Est-ce que ce sera à peu près la même chose que celui du programme Apollo en plus petit ? Est-ce qu'on va vraiment se poser sur la Lune, faire des séjours plus longs que les quelques jours des équipages Apollo ? On ne sait pas. En tout cas, peut-être vers plus de sédentarité. Les Européens continuent de suivre le fil du Moon Village. On en a des très belles images, très artistiques. Les architectes s'y intéresse, une espèce de petite bulle. Là encore, il s'agit de rester pour aller plus loin, voire redécoller de la Lune. Ce que l'on voit quand même, c'est que faute de Mars, parce que c'est trop loin, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop dangereux, on se recentre sur notre satellite. Mais surtout, 2019 sera confirmé la présence de nouveaux acteurs, alors certains pays, les Israéliens avec Bereshit, c'était un projet certes universitaire, il n'a pas réussi, mais tout de même c'était une volonté, là encore, d'aller sur la Lune. Les Indiens avec leur atterrisseur Vikram, qu'on a perdu au dernier moment, il s'est posé, il s'est crashé en fait. On vient tout juste de voir à quel endroit d'ailleurs. Et puis la Chine qui, elle, a réussi avec son petit robot lunaire à aller explorer la face cachée de la Lune, Change 4. Et puis on voit surtout l'émergence des privés, puisque désormais la NASA, qui est le pays avec le plus de budget, confie à des sociétés privées, SpaceX, Boeing, la tâche de pousser tout le monde et de trouver les fusées, les modules. Voilà, allons-y. Ouais, la Lune au cœur de toutes nos attentions. Et puis Mars, hein, quand même, toujours qui intéresse encore et toujours, Mathilde Fontaise. Oui, à Mars, on suit ces petits rovers qui crapahutent à la surface de la planète rouge pour nous et qui nous envoient des images au quotidien. Et là, cette année, il y a eu deux grands événements sur Mars. D'abord, un événement un peu triste, la mort d'Opportunity, qui avait été attaquée en juin 2018 par une grosse tempête de sable et recouverte de sable et qui ne parvenait plus à se réveiller depuis, puisque ses panneaux solaires étaient complètement recouverts de sable. Mais dont la longévité déjà est allée bien au-delà de ce qu'on pensait. Alors ça c'est un peu une constante hein, quand même, c'est-à-dire que souvent les agences spatiales quand elles lancent un rover, une sonde, elles disent toujours que c'est pour tant de jours et en fait en général ça, les missions sont triplées, quadruplées, etc. Mais effectivement Opportunity était prévu pour durer 90 jours et il est arrivé sur Mars en 2004, 15 ans après, et seulement il s'éteint après avoir envoyé sur Terre plus de 200 000 images, après avoir parcouru plus de 45 km, donc plus que toutes les missions d'Apollo faites par des humains avec des petites voitures. Donc voilà ce petit rover là, et effectivement la NASA a essayé de le ranimer pendant 8 mois et puis finalement a déclaré son décès le 13 février. Et donc il ne reste plus qu'un seul rover encore vivant sur Mars, il s'agit de Curiosity, et justement cette année événement aussi pour Curiosity puisqu'en avril dernier, il est arrivé enfin dans les argiles qui étaient son objectif depuis le départ. Il a été posé au départ pour aller voir les argiles, il n'a cessé d'être détourné de son objectif par les géologues de la mission qui voulait aller regarder le caillou, et puis en fait le caillou derrière et le cratère. Et finalement quand même, il a réussi à parcourir ses 19 kilomètres et à arriver dans les argiles, et il a effectué son premier forage. Donc on attend encore les résultats, ce sera pour 2020, ce sera une nouvelle de 2020. Mais peut-être a-t-on, dans ça y est déjà en analyse, en train d'être analysé, les premières molécules organiques, les premières molécules presque prébiotiques que les scientifiques attendent pour savoir si Mars a vraiment été habitable ou non. Oui, il y a quand même pas mal de nouvelles qui viennent de Mars. D'ailleurs, Sophie Becherel, cette année, c'est aussi la première fois que l'on a enregistré un séisme martien. Ah ben oui, le sismomètre SACE, c'est vrai, comme quoi, comme ça quoi, bouge partout. Il n'y a pas que la Lune qui Mais c'est vrai intéresse. Que Mars continue d'intéresser avec des missions robotiques. Parce que quand je disais Mars est trop loin, trop dangereuse, je parlais évidemment de la conquête humaine. Nous allons revenir dans un instant sur un événement qui a marqué l'année, l'incendie de Notre-Dame. Vous allez nous dire, Mathieu Novak, pourquoi les scientifiques ont été sollicités après l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Telle une porte close, et nous comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close, et nous comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Chose que Kiko demande, le premier être que l'on regarde, les premiers moments que l'on garde. Mais quel est ce vent qui me glace le dos, qui me regarde? Notre époque résonne telle une porte close, et nous comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Demande ensuite si l'on peut revenir, si le temps peut sourire, s'il faut s'unir, s'il fallait recommencer, s'il fallait oublier. Je pense bien que je serai pas le dernier à regarder d'abord, à suivre, à être encore quand il faut devenir, ou s'il faut encore moins car pour un qui s'en va. Mais quel est donc ce vent qui passe, qui me regarde et qui me glace? Et notre époque résonne telle une porte close, et nous comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Once I passed through a populous city, imprinting my brain for future use with its shows, architecture, customs, traditions. Yet now, of all that city, I remember only a woman I casually met there, who detained me for love of me. Day by day, and night by night, we were together. All else has long been forgotten by me. I remember, I say, only that woman who passionately clung to me. Notre époque résonne telle une porte close, et nous comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close, et nous comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? With silent lips, sad and tremulous. C'était Tarmac, Notre époque résonne sur France Inter. France Inter, du vent dans les synapses. Et c'est la suite de notre rétrospective de l'année 2019 en compagnie de Sophie Becherel de France Inter, Mathieu Novak de Sciences et Avenir, Mathilde Fontaise de Sciences et Vie et Loïc Mangin de Pour la Science. Un énorme panache de fumée, visible pratiquement dans tout Paris. La scène sidère les Parisiens, les visiteurs, tous ceux qui depuis plus d'une heure ont les yeux rivés sur leur écran. Notre-Dame est en feu. Le monument le plus visité d'Europe, l'un des symboles de la capitale française, 14 millions de visiteurs par an. Sa flèche, qui culmine à 93 mètres, est brûlée par les flammes. Elle vient, à l'instant, de s'effondrer. Déboussolé, parce que c'est une vision de horrible, quoi. Une immense tragédie, abominable, sur quelque chose qui est au sommet du sacré pour tout le monde, catholique ou non. Bon, un symbole de Paris qui est en train de s'effondrer, donc c'est extrêmement choquant, franchement très très très choquant. Et ce qui est malheureux, c'est que malgré que ce soit choquant, ça reste quand même beau. Enfin, c'est les flammes, ça fait des couleurs magnifiques, c'est à la fois beau et extrêmement triste parce qu'il y a l'un des principaux symboles de Paris, la Tour Eiffel, qui disparaît devant nos yeux, donc c'est extrêmement malheureux. C'était donc dans la nuit du 15 au 16 avril dernier, la charpente et la flèche de Notre-Dame partaient en fumée. Véritable catastrophe pour le patrimoine. Mathieu Novak, ça a aussi ouvert à de nombreuses questions scientifiques. Oui, oui, on entendait le son, là, l'émotion, là, cette émotion qui était très forte. Et cette émotion a aussi touché les scientifiques. Alors, c'est pas très connu, mais dès le lendemain, ils se sont réunis dans une association au service de la restauration de Notre-Dame de Paris. Et en fait, il y a une sorte de chantier scientifique de Notre-Dame qui va se dérouler en parallèle du chantier de restauration. Alors aujourd'hui, on a quelques 250 chercheurs qui sont réunis dans cette association sous l'égide du CNRS. On y trouve des archéologues, des historiens, des chimistes, des physiciens. Et ils se proposent d'étudier alors ce qui reste, c'est-à-dire les poutres calcinées, les pierres qui sont tombées, des fragments de métaux, peut-être même faire des fouilles. À côté de l'établissement public, ils vont travailler et proposer leurs services. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont aussi un objectif de 5 ans, qui lui n'est pas du tout politique, mais c'est le temps de la recherche. Ils disent que d'ici 5 ans, ils vont pouvoir organiser un colloque et faire un livre qui présentera leurs premiers résultats. Et est-ce que ces chercheurs ont déjà pu se mettre au travail et fournir des premiers résultats? Oui, alors c'est compliqué parce que ces premiers mois, il n'y avait pas d'accès à la cathédrale, pas d'accès à ces matériaux dont je vous parlais. Mais quand même, juste après l'incendie, c'est-à-dire 5 jours après, on a dépêché dans ce cadre-là une première société qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, et qui a placé des scanners dans une centaine d'endroits différents, qui a aussi fait voler des drones. Alors l'idée ici, c'est quoi? C'est d'avoir un relevé exact, à l'échelle du millimètre, de l'état de la cathédrale. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et on a eu comme ça, ils ont mis des petits points partout, des petits points virtuels pour faire une carte, et on a 10 milliards de points. Et ça va être intégré à ce qu'on appelle un modèle numérique. C'est un clone numérique de la cathédrale. Donc c'est une idée qui se développe de plus en plus en architecture, c'est que tous les corps de métier puissent avoir accès sur place à n'importe quel moment à tous les états de la cathédrale. Donc ça, il y a ce premier clone-là qui existe, qui va être aussi alimenté par d'autres données qui ont été acquises auparavant, et qui pour le moment a servi surtout à faire un premier calcul de résistance de la cathédrale au vent. On disait qu'avant, elle pouvait supporter des vents en gros de 220 km/h, on a vu qu'après, une fois que les voûtes sont effondrées, c'est tombé à 90 km/h, ce qui a renforcé la nécessité d'urgence de renforcer la cathédrale. Et j'imagine que l'essentiel des travaux ne pourra être mené que quand les scientifiques auront accès à la cathédrale. Oui, il faut qu'ils puissent rentrer, alors ils vont étudier par exemple les poutres. Il faut savoir qu'on n'a aucun plan de l'époque, on n'a aucune information précise. Alors, on a bien sûr fait des relevés, comme je vous le disais, mais sur la nature du bois, ce qui est vraiment une vraie question, si on veut reconstruire à identique, c'est qu'est-ce que c'était que ce bois? D'où il venait? Quel était exactement son âge? Dans quelles conditions il a poussé? Quel type de forêt? Sous quel climat? Et ça, c'est des choses qui, même dans des poutres calcinées, en faisant ce qu'on appelle de la dendrochronologie, c'est-à-dire qu'en étudiant les cernes des arbres et aussi la composition chimique de ce qui reste, on peut avoir des réponses à ça. Donc ça, c'est une première chose. On voit aussi étudier les voûtes. Alors les voûtes, c'est assez marrant parce que, par exemple, on se pose des questions d'historiens dessus. On dit qu'elles ont été bâties à peu près en 1182. Mais on a un récit en 1218, c'est-à-dire 36 ans plus tard, de quelqu'un qui a essayé de voler un chandelier depuis les combles de la cathédrale. S'il passe par les combles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de voûte. Donc on a un problème de temps. Peut-être qu'en étudiant ces pierres sous des faces qui n'ont jamais été vues, on va pouvoir donner des réponses et aussi voir comment tout cela a été construit à nouveau dans un souci de reconstruire à l'identique. Et si on parvient à restaurer à l'identique, est-ce qu'on retrouvera l'ambiance sonore de Notre-Dame? Ça, c'est une grande question sur laquelle on a déjà commencé à travailler. Vous avez reçu dans cette émission il y a quelques semaines Mylène Pardoen et elle essaye justement de retrouver cette acoustique. On a un enregistrement qui a été fait en 2013 base d'un concert qui s'appelait le Ghost Orchestra. Ça a été fait aussi avec le CNRS, avec 45 micros à 360 degrés. Donc on a un modèle acoustique. Et maintenant, son travail à elle, c'est de voir au fur et à mesure de la restauration, est-ce qu'on peut le recréer? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Parce que comment les pierres sont agencées, même comment la charpente est faite, ça va avoir une influence sur le son. Donc elle a commencé à travailler, mais le problème du plomb fait que ça avance extrêmement lentement. Sophie Bécherel ? Je suis curieuse de savoir si l'organiste de Notre-Dame sera en accord si on réussit à obtenir le même son. Si cette scientifique dit « Ah là, ça sonne comme ça sonnait avant », si l'organiste est d'accord avec ça. Ça sera effectivement extrêmement subjectif, mais il pourra en tout cas, on pourra avoir la chance d'avoir son avis, parce que l'orgue, a priori, va être sauvé, il faut qu'il soit complètement décontaminé, il va être démonté entièrement, mais en tout cas, l'organiste devrait pouvoir rejouer dans combien de temps, je ne sais pas, mais il devrait pouvoir rejouer, donc on pourra faire cette confrontation. Et puis ce n'est malheureusement pas spécifique à l'année 2019, mais concernant l'environnement, les études menées en 2019 n'ont fait que confirmer, voire amplifier les inquiétudes, Mathilde Fontaise. Peut-être à commencer avec ces feux de forêt qui ont marqué l'année. Oui, ces feux de forêt ont marqué l'année d'un point de vue médiatique. On les a vus sur toutes les télés, avec les images satellites très impressionnantes, et nous ont donné cette idée d'un monde en feu, en train de partir en fumée. Et c'est pas complètement faux. Les chiffres sont édifiants. La déforestation de l'Amazonie, puisqu'on parle de cette forêt qui était en train de brûler cet été, c'est 43% de plus en 2019 qu'en 2018. Et ces incendies ont débuté juste au moment où le GIEC venait de rendre un rapport spécial sur le changement climatique, la désertification et la dégradation des terres, qui montraient à quel point les terres sont sous pression humaine. Le changement climatique ajoutant une pression supplémentaire. Donc il faut se rappeler du processus du GIEC, et donc ce rapport a été, chaque mot de ce rapport a été vraiment pesé, et il est pour autant assez catégorique pour dire que l'augmentation de la population plus l'augmentation de la consommation par habitant ont entraîné des taux sans précédent dans l'usage des terres et de l'eau douce, que 70% des terres émergées sont sous l'emprise des activités humaines et que un quart de la surface est aujourd'hui dégradée. Donc bien évidemment, le GIEC met en avant une gestion durable des terres. Et donc nous sommes avec ce rapport le 8 août, et donc on est seulement 20 jours avant ces images satellites qui nous montrent la forêt primaire en train de partir en fumée sous la pression d'une déforestation pour amener les terres à être cultivables ou à accueillir des élevages. Donc voilà, on est dans ce monde. Je trouve que c'est pour ça aussi que je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on est dans ce mois d'août 2019, finalement exactement dans la contradiction du monde actuel, avec des scientifiques qui travaillent, qui produisent des rapports, qui se sont organisés d'une manière sans précédent dans l'histoire de la science pour produire des rapports qui puissent être utilisés rapidement par les collectivités. Et puis de l'autre côté, on voit aussi la violence du monde réel et la forêt en train de partir en fumée. Il y a quelque chose d'assez désespérant, Sophie Bécherel, de voir ces rapports, ces études s'empiler. Et puis... Notre inaction. Oui. Bien sûr. D'autant que l'Amazonie, c'est une chose, mais cet été aussi, les forêts de Sibérie ont brûlé, la Californie, des grands épisodes de sécheresse, l'Australie, évidemment. Donc, oui, hélas, nous ne faisons rien. Et oui. Et alors, pour rajouter encore aux inquiétudes, année 2019, Sophie, c'est aussi l'année où le plastique est apparu au grand public comme l'ennemi public numéro un de l'environnement. Oui, il m'a semblé en effet que c'est cette année que le grand public a pris conscience effectivement de l'omniprésence du plastique et du fait que ce que les scientifiques avaient déjà qualifié devenait en fait une réalité. On parlait depuis les années 70 de l'océan de plastique, de la plastifère, du septième continent, ou même du plasticène. Mais là, j'ai l'impression que désormais, résultat scientifique à l'appui, le grand public a conscience que le plastique, il y en a effectivement partout, les océans, les fleuves, le sol, l'air. Pour les océans, ça a été beaucoup dit, mais maintenant, pas une zone n'y échappe, pas même les zones polaires. Les fleuves, une grande première de l'année, ça a été l'inventaire entamé par la goélette Tara, avec un programme original, 10 fleuves européens échantillonnés. On n'a pas encore les résultats, mais déjà, sous la loupe binoculaire, les scientifiques disent qu'il y en a absolument partout, dans tous les fleuves, et surtout des microplastiques déjà très fragmentés. Les sols ? Les sols. On aura appris cette année qu'il y a, suivant les endroits, entre 4 et 23 fois plus de plastique dans les sols que dans la mer. Donc vous voyez, on s'avance là vers encore une nouvelle dramatique. Et puis l'air alors aussi ? L'air également, on respire aujourd'hui, un adulte en moyenne respire aujourd'hui 121 000 particules de plastique par an. Ça s'ajoute à ce qu'on ingère, là encore ça a été calculé cette année, 52 000 microparticules pour un adulte chaque année. Et puis si par exemple vous buvez que de l'eau en bouteille, eh bien vous avalez encore du plastique. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup de plastique. Pour l'instant encore peu d'études sur l'impact sur la santé, mais déjà sur les micro-organismes marins ou végétaux, on le voit, ça n'a cessé de progresser notre production de plastique à l'échelle mondiale et l'Europe est un très très mauvais élève. Donc on pourra difficilement se passer du plastique tellement c'est un matériau formidable. Néanmoins, on peut déjà, chacun d'entre nous, se demander est-ce que je peux jeter le plastique à usage unique ? Et oui, bien sûr, on peut se passer de paille, de la vaisselle en plastique, des sacs jetables. Donc quand vous dites jeter le plastique à usage unique, c'est-à-dire ne pas l'utiliser. Hein, parce ne que pas l'utiliser, pardonnez-moi. On l'a trop fait, jeter le plastique à usage unique. Ne pas utiliser, chasser ce plastique-là. Et pour démarrer l'année 2020 bien informé, que peut-on découvrir au sommaire de vos magazines respectifs, Mathieu Novak pour Science et Avenir? Eh ben, notre nouveau numéro monte aux sources de l'attention, tandis que Hashtag Science, notre magazine pour les jeunes, vous raconte la science de Star Wars. Mathilde Fontaise pour Science et Vie. À Science et Vie, on a vu la naissance du temps. On a plongé dans des expériences de physique des plasmas pour aller comprendre comment est-ce que le temps se forme au début de l'univers. Et Loïc Mangin de Pour la Science. Alors, à la une du Pour la Science qui est en kiosque désormais, c'est le problème des trois corps, qui est un gros problème mathématique, j'aime ça, et plutôt physique aussi. Sinon, un hors-série qui sera bientôt en kiosque sur la cosmologie, trous noirs, énergie sombre, matière noire. Et enfin, un collector toujours en kiosque sur les lois du hasard. Un grand merci à vous quatre et à très bientôt. Restez avec nous après le flash pour la deuxième heure. Nous allons actionner la machine à remonter le temps avec le paléontologue Tim Flannery. Il va nous emmener à la découverte du passé de l'Europe, des dinosaures à nos jours.